Chapitre 5e, l'Église. 5 heures du matin venait de sonner à l'église de Saint-Jean de Luz quand Suzanne, ou plutôt Gabriel, sortit de la chambre à pas de loup, après avoir laissé sur le pied du lit de M. de Charny un billet tracé à la hâte. Gabriel avait revêtu un pourpoint nouveau tiré de sa valise. Une plume blanche ornait son feutre galonné. La couleur de ses rubans et de ses roses était charmante. Une épée mignonne, ornée d'un grand nœud d'argent, des chausses vertes et des souliers à talons hauts, complétait son habillement de page sur lequel flottaient des cheveux plus noirs que l'ébène. En finissant cette toilette, que Charny ne devait point voir, de grosses larmes mouillaient les yeux de la pauvre enfant. Elle eut besoin de prendre son courage à deux mains pour ne point réveiller le chevalier, mais elle songeait à sa froideur de la veille. Suzanne était de ces femmes qui comprennent un demi-mot et devinent une pensée dans un soupir. Celui qu'elle poussa en franchissant le seuil de la chambre d'auberge ne fut point entendu par bonheur de M. de Charny, car le chevalier se fut mis en campagne à peine habillé pour ressaisir sa fugitive. Dans le tour de clé qu'elle donna à l'unique porte de cette pièce, elle mit tant de précautions que le sommeil prosaïque de notre héros n'en fut pas troublé. À peine dans la rue, Gabriel rencontra en s'acheminant vers l'église paroissiale une femme enveloppée d'une grande mante noire. Cette femme ralentit bientôt le pas de façon à laisser prendre les devants au jeune muguet. Arrivé en même temps qu'elle sous le porche du temple, Gabriel s'arrêta pour respirer. La personne qui le suivait s'arrêta de même. Quand Gabriel entra dans l'église, la dame entra aussi, mais se tint à distance de celui qu'elle supposait être l'ami du chevalier. L'église de Saint-Jean de Luz ressemblait alors plutôt à un atelier de tapisserie qu'à un temple catholique. Des échelles, des échafauds, des tapisseries semées d'or et de perles s'y trouvaient amoncelées. Les marches de l'autel étaient couvertes de cierges et de dentelles d'argent. Les torchères en vermeil, les casselettes, les tentures, éblouirent d'abord les yeux de Gabriel. Le parfum de l'encens et des herbes de senteur embaumait la nef. Un moine célébrait l'office divin dans une des chapelles latérales. En voyant cette église déjà disposée pour une cérémonie royale, le mariage de Louis XIV avec l'infante, le cœur de Suzanne fut presque brisé. Elle songeait à Charny. Deux carreaux de velours cramoisi étaient placés au pied du maître-autel, et Suzanne devançait alors en idée l'instant où le roi donnerait l'anneau d'alliance à la fille de Philippe IV. Tout à sa tristesse, à son abattement fébrile, elle ne s'aperçut pas bientôt que la messe était terminée et qu'elle demeurait seule dans l'église, que les ouvriers eux-mêmes avaient quitté. Une main, posée soudainement sur la sienne, la tira de sa torpeur. Une voix douce, pénétrante, et dont elle ne put reconnaître le timbre sans une profonde émotion, l'invita à passer dans le jardin de l'église, sorte de préau converti les jours de fête en jeu de pommes pour la jeunesse de la ville. Un seul mot, monsieur le baron. Que voulez-vous, dit Suzanne, se souvenant alors seulement qu'il fallait être Gabriel. Obtenir une grâce de vous, mon jeune gentilhomme. Le duc de Médina doit se battre aujourd'hui, mais il m'a caché l'heure et le lieu du rendez-vous. Je sais l'heure et le rendez-vous, dit tristement Gabriel, pendant que la comtesse ôtait son voile et montrait à son interlocuteur une beauté bien faite pour désespérer une rivale. Dites-les-moi, je vous en conjure. Je ne le puis, madame. Je suis le second de monsieur de Charny. Vous? Moi-même? Je sais que monsieur de Charny a eu tous les torts, mais monsieur de Charny est amoureux. Amoureux? Et de qui? Ne le savez-vous pas, et devez-vous, madame, le demander à d'autres qu'à vous? Si monsieur de Charny me voit avec complaisance, reprit la comtesse, j'en suis flatté. Mais j'aime le duc, et je dois fuir monsieur de Charny. Un seigneur français assurait d'ailleurs l'autre jour, devant le duc et moi, qu'il était marié en France, secrètement. Pour le nom de sa belle, on n'a pas su nous l'apprendre. Qui a dit cela? Le duc de Créqui ou monsieur d'Armagnac, je ne sais plus trop lequel. Mais quoi qu'il en puisse être, la réputation fatale du chevalier au jeu de l'escrime vous fait une loi, monsieur, d'empêcher ce duel. Songez-y bien. Vous êtes plus jeune que lui, cela est vrai. Mais vous n'en seriez pas moins puni. et Louise de Haro, notre ministre, est aussi sévère pour les rencontres que votre cardinal Mazarin. » Gabriel regarda la comtesse avec défiance. « Vous aimez le duc, dites-vous, madame. Pourquoi donc hier sembliez-vous aller au-devant des témérités de monsieur de Charny ? Pour un jeune homme qui a l'air de sortir de page, vous me faites là, monsieur, une question étrange, » répondit la comtesse avec hauteur. « Le chevalier n'est-il donc pas digne qu'on le regarde ? C'est un étranger, et j'aime les étrangers. Il est français, il est noble, et ce n'est pas ma faute, en vérité, si l'an dernier, à Madrid... » « L'an dernier, à Madrid. Eh bien, achevez. »« Ah ça, Dieu me pardonne, » reprit la comtesse en regardant Gabriel attentivement. « Je crois que vous vous permettez d'être jaloux du chevalier. Pour l'ordinaire, les mentors sont vieux et vous, qui pourriez prétendre au plus à être son élève. » « Et si j'étais mû par un autre sentiment ?» reprit Gabriel. Voulant arracher une entière confidence à l'Espagnol. « Si, au lieu d'être le censeur de sa conduite, comme vous le prétendez, madame, j'enviais jusqu'à ces marques de faveur qu'il obtint hier de vous. En un mot, si moi aussi je vous aimais. Et quoi, vous aussi, vous, mon soupirant ?» s'écria la comtesse, qui ne put réprimer un léger sourire à cette déclaration inattendue. « Vous iriez, monsieur, sur les brisées de votre ami ?» « Pourquoi pas ? Je suis convaincu à l'avance que vous feriez le malheur du chevalier. Je me risque à sa place. Il me semble que c'est un ricochet assez méritoire. » « Ce n'est pas ici le lieu de me faire une déclaration, » reprit Concha, en regardant Gabriel avec des yeux assez doux. « Vous voulez que je perde de vue l'objet de ma conférence ?»« Je le veux si peu, » reprit Gabriel, « que je vous mettrai bien vite l'âme en repos au sujet du chevalier. » Je l'ai enfermé, enfermé à double tour. Il est dans un pavillon de l'hôtel assez éloigné du corps principal pour qu'on ne puisse l'entendre appeler. Enfin, et pour plus de sûreté, je lui ai pris son épée. » Et Gabriel, en trouvant son large manteau, fit voir à la comtesse l'épée espagnole du chevalier. « Voilà qui est à merveille, » reprit Concha. « Mais si le duc, que je n'ai pas enfermé, moi, mon cher baron, « attendez, monsieur de Charny, sur le terrain. »« Impossible, il n'est que 5 heures. »« N'importe, prévenons-le. »« Voici justement un homme dont la figure ne m'est pas inconnue, » continua la comtesse. « Ni à moi, c'est le capitaine de la table d'hier qui s'est porté fort pour le chevalier. » Sur l'invitation de la comtesse, le personnage en question s'approcha. C'était en effet Malagotti. Il était ganté, dispo, comme s'il eût dû se battre lui-même. « Un conseil, monsieur le capitaine, un conseil, » dit la comtesse en lui glissant une bourse dans la main avec une dextérité charmante. « Un conseil à jeun est toujours bon à suivre, » reprit Malagotti sans se déconcerter le moins du monde. « Veuillez m'expliquer votre affaire, que je devine déjà aux 3/4, vu ma longue habitude des combats singuliers en temps de paix et de guerre. Monsieur le chevalier aura-t-il renoncé à se battre ?» ajouta le capitaine en passant son gant sur ses épaisses moustaches. « Je ne le pense pas, » reprit Gabriel le poing sur la hanche, et en considérant d'un air martial la pointe de ses bottes à dentelle noire. « Mais en attendant, je ne sais trop avec quelle épée il se battrait. Voici la sienne. »« Vous la lui avez prise ?» continua Malagotti. « Bravo. Voilà qui est d'un ami sage et véritable, mon petit César. » « Et c'est sans doute pendant son sommeil que vous fîtes ce bel exploit. »« Gare la tempête, quand le chevalier va chercher sa formidable. »« Mais le duc de Médina... »« Il reposait encore quand je me suis échappé par une porte secrète de son hôtel, » reprit la comtesse. « L'essentiel, capitaine, serait maintenant de l'occuper, de lui faire croire par exemple que l'heure est changée. »« Fiez-vous à moi, je me charge de tout. Qu'allez-vous donc faire ?» Et parbleu, lui demander une entrevue. Je lui dirai que je suis le témoin du chevalier, qu'il est gardé à vue, qu'il ne peut sortir, qu'on l'a dénoncé. À merveille. Ensuite, cela fait, j'irai en dire autant à monsieur de Charny. Il serait absurde qu'il se bâtisse. N'est-ce pas ? D'ailleurs, reprit le capitaine, j'ai peut-être lieu d'obtenir du chevalier de Charny plus que je n'aurais osé hier espérer moi-même. Me permettez-vous, madame la comtesse, d'avoir un moment d'entretien avec ce jeune homme ? Avec moi, monsieur ? Reprit Gabriel étonné. Avec vous, reprit le capitaine en se dirigeant vers un massif du jardin, à l'abri duquel il espérait que nul, excepté Gabriel, ne l'entendrait. Mais en ce moment, des pas précipités retentirent sous les arceaux de l'église. Quatre gardes et un exempt à la livrée du cardinal Mazarin apparurent aux yeux étonnés de Malagotti, et se dirigeant vers lui, le prièrent poliment de monter avec eux dans un carrosse dont les portières étaient abattues au porche même de l'église. Bien que cette visite matinale ne fît pas le compte du capitaine, il se résigna, sourit tristement, et serrant la main de Gabriel, il suivit tranquillement les gardes du cardinal sur l'ordre que lui intima l'exempt. « Au revoir, mon jeune ami, » dit-il à Gabriel, « ma prison ne sera pas longue. Pensez quelquefois au capitaine Malagotti. »